Pour les Romains, le plus court chemin d'un point à un autre est la ligne droite. Et pour les Celtes, le plus court chemin d'un point à un autre est le chemin du rêve.